deux animaux débarquent, ce sont le même titi et les pieds. Tous les films cafards caviar ne me feront plus pleurer. Quand j'aurai mis mon cœur d'artichaut dans un placard et ma collection de l'amour et puis l'azur pour être un peu.